Bienvenue à La Grange, le lieu des discussions entre copains autour de quelques bières. Et oui, voilà, et au coin du feu quand c'est l'hiver, et les fenêtres ouvertes quand c'est l'été. Enfin voilà, vous voyez à peu près l'ambiance, on est entre copains, autour d'une table, on rigole, on boit des bières et on aborde plein de sujets différents qui tournent principalement autour de la culture, de l'habitude et de la nature. Voilà, si vous voulez apprendre 2-3 trucs en vous marrant, on dit tout haut ce dont tout le monde se fout. À peu près, ouais. Voilà, si Striptease devait se marier avec C'est pas sorcier, je pense que ça donnerait La Grange podcast. On vous laisse sur un medley aussi composé que la salade de votre maman en été. Évidemment, Gaïa, elle retombe en cloque. 1, 2, 3, 4, 12 petits titans et titanides. D'accord. C'est un peu plus que les 3 petits cochons, mais beaucoup moins que les 101 dalmatiens. Là, mon super pouvoir a beaucoup moins d'utilité si je me téléporte tout nu. Est-ce que tu serais capable de manger un pain? Largement. D'accord, ok. Le tire-bouchon, c'est un truc purement français. Tu vas dans les autres pays, les bouteilles de vin se dévissent, même si c'est des bouteilles de vin françaises, parce que le tire-bouchon, c'est un concept qui existe nulle part ailleurs. Et faut que tu mettes un pantalon, mec. Et du coup, la seule chose qui régule l'espèce de koala, c'est les chlamydia. Moi, je suis intimement convaincu que la plupart des oiseaux sont des connards. Pour cette rubrique, j'ai ramené... Attention... un cuiseur à eux. Tu peux faire sans brosser les dents de ton chien. T'as de la pronoïa, je trouve ça génial. Ouais. C'est vachement bien. C'est le concept de la bonne étoile, mais que tu l'appliques au bon moment. Bah ça reste une maladie mentale, mais... C'est bien. 1954, c'est très très vieux, c'est l'année de naissance de Jackie Chan et l'année de décès d'Henri Matisse. Non, attends, c'est le seul mammifère à écouter des sketchs de Roland McDan. Donc finalement, le regret, c'est quoi? Le regret, c'est juste ne pas avoir essayé. Eh ben écoute Eric, je te propose de passer à ta rubrique. J'en avais une. Ah. Du coup, je l'ai pas faite. D'accord. Voilà, c'était notre présentation en quelques courts extraits sonores. On espère que ça vous a donné envie. Et on vous retrouve bientôt... À La Grange ou peut-être ailleurs. Oui. On est sous votre lit. La Grange, podcast, culture, biture et nature. Bienvenue à La Grange.